Et on continue avec. Les questions sur tes feuilles bleues, ils sont où? C'est des invisibles. Pour moi, le message a gelé ou il n'a pas gelé parce que ça l'a échangé. Ils n'ont pas fourni de crayon avec les chips. Ouais, les teintes bleues. Bon, Daniel, si je reviens un petit peu à la première partie, s'il y en a qui en ont, là, gênez-vous pas, vous pourrez les apporter en avant. Si on regarde que l'essence de la première partie, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que faut pas, bon, pour ne pas qu'il y ait d'ivresse ésotérique, le cheminement de la conscientisation dans notre entourage immédiat, là, il doit se faire quasiment à l'insu des gens puis sans qu'il y ait de langage hermétique. Et c'est évident qu'une personne qui a un point de vue. Le gros problème, c'est que l'ego s'imagine continuellement que c'est lui qui a le point de vue. L'ego ne fait que contempler ce que la conscience élabore. Et l'ego s'imagine que la conscience, c'est lui. Et l'ego a besoin, pour s'identifier, de conserver ce dans quoi elle s'identifie. Alors donc, si tu as un point de vue et que dans ton entourage, tu veux communiquer ton point de vue et que tu te fais retourner, la personne n'est pas du tout de ton avis, vu que c'est l'ego qui pense que c'est lui qui a le point de vue et que l'ego s'imagine être le point de vue, donc l'ego se sent agressé, donc l'ego se défend. Alors, si tu prends un langage hermétique, pourquoi devrions-nous occulter l'échange, la relation entre les êtres humains qui ont fondamentalement le même rôle sur la planète Terre, qui ont fondamentalement les mêmes finalités, qui sont pareilles? Pourquoi devrions-nous occulter l'échange? On ne devrait pas occulter l'échange. On devrait avoir un échange intelligent. Puis un échange intelligent, ça ne veut pas dire que je te dis des vérités de façon à ce que tu ne le saches pas que je te dise des vérités. À quoi ça me sert? Juste, je me donne l'impression que je t'ai dit ce que je pensais. C'est comme parler à ta photo. Par contre, on devrait avoir une relation intelligente. Donc, lorsque ton point de vue ne peut pas être abordé, tu abordes pas ce point de vue inabordable. Tu vas aborder un autre point de vue. Ou, si tu es plus intelligent, tu vas avoir une relation de façon à ce que l'autre aborde son point de vue. Et c'est beaucoup plus facile pour l'être qui a une conscience plus vaste de communiquer avec un être qui a une conscience plus restreinte en laissant l'être qui a une conscience restreinte commencer à élaborer, à élargir. Mais quelle est l'utilité de faire en sorte que celui qui a une conscience restreinte élargisse la sienne pour toi? Quelle est l'utilité? Ce n'est pas parce que tu ramasses des points au ciel. Ce n'est pas parce que tu sauves un âme, faut tuer l'âme. Ce n'est pas parce que tu fais le bien, il n'y a pas de bien. Tu fais ce qui doit être fait. Karmiquement, c'est correct. C'est ni bien ni mal, c'est ce qui doit être fait. Et tu travailles conséquentiellement avec l'écosystème dans lequel tu évolues. Cela veut dire que l'autre, qui aura eu une conscience un peu plus élargie grâce aux relations qu'il aura avec les autres, ou avec toi, permettra cette conscience dans ta société. Cela veut dire que lorsqu'on a élaboré la théorie que la Terre était ronde, alors c'est sûr que lorsque la personne qui a cette idée dans la tête sort dans le public, tout le monde sait très bien que la Terre est plate. Vous savez bien que la Terre est plate. Alors, tout le monde le dit, elle est plate à mort. Il y a même qui se suicide tellement elle est plate. Bon. Alors ce qui arrive, c'est que la personne, tout le monde est convaincu que la Terre est plate et que tu sors, la Terre est ronde. Ça marche pas. Alors, c'est préférable, si tu as une conscience plus vaste, pour ne pas te faire tuer, de lentement faire en sorte que l'extérieur, dans ton écosystème, dans ton système d'évolution, ait une conscience un peu plus vaste, eux autres aussi. Mais tu ne vas pas les convertir, leur imposer ta croyance ou ta vérité ou ta réalité. C'est absurde. Par contre, tu ne peux pas taire continuellement que la Terre est ronde, parce que si toi tu as des projets, comme aller aux Indes en passant par l'autre côté, comme faire le tour de la Terre pour découvrir d'autres places, comme n'importe quoi, les projets que l'homme a sont des projets qui sont l'interprétation très colorée de l'énergie intentionnelle, donc de l'énergie créatrice, donc de l'énergie supramentale. Et si tu ne peux pas exprimer ton point de vue dans une activité réelle et efficace, parce que l'extérieur ne veut pas, qu'est-ce qui te reste à faire? À part mourir pour qu'on puisse dire de toi, tu étais en avance sur ton temps. Mais c'est stupide! Alors donc, tu devrais aller parler avec ton monde et leur demander en quoi la Terre est plate. Alors, eux vont l'élaborer. Et à partir de cette élaboration, tu vas simplement cheminer un peu plus. Tu vas étendre leur conscience par le dialogue, par la relation, pour pas imposer ton point de vue, parce que peut-être que ton point de vue est faux. Mais pour augmenter leur échelle de conscience de façon à augmenter la tienne par la relation. Et tu n'occultes pas. Tu ne vas pas dire au monde, la Terre, elle est plate, mais il faut savoir que tout ce qui est plate est rond. Bon, c'est occulté. La personne, elle va prendre ce qu'elle a besoin, puis elle va dire, est plate. Mais il ne s'est rien passé réellement entre les personnes. Il y a juste ton ego qui a pu dire, je l'ai dit. Elle n'a rien compris, mais je l'ai dit. Tu ne dois pas occulter, tu ne dois pas ésotériser, tu ne dois pas camoufler. Tu dois parler clairement, dans l'ordre des choses, avec les personnes avec qui tu peux parler de quelque chose. Présentement, moi, je n'occulte pas. Je désocculte. Mais je ne dis pas nécessairement tout ce qui peut être dit. Je dis tout ce qui peut être dit lorsque cela peut être dit, parce que cela peut servir à quelque chose. Et se servir à quelque chose, ce n'est pas d'augmenter mon ego, ce n'est pas d'augmenter la confiance que j'ai en moi, parce que je pourrais en dire des choses. Mais c'est simplement que ça crée une relation qui est intelligente. C'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, parce que c'est bon. Mais pas bon dans le sens bien mal, parce que c'est ce qui doit être fait. C'est tout. Et donc, si c'est ce qui doit être fait, je n'ai pas besoin d'aller prendre le pouls de tout le monde pour savoir, ma conférence est-tu bonne, t'as-tu bien compris? Certains me donnent leur pouls. C'est une très bonne relation. Mais ce n'est pas à moi d'engendrer ce genre de relation. Alors donc, je n'occulte pas, mais je dis ce qui doit être dit parce qu'il y a une utilité. Et même si moi, égoïquement, je ne verrais pas l'utilité, je sais, moi, qu'il y a une utilité. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'astral qui, à un moment donné, manipule l'homme, donc c'est dans l'homme. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'énergie vitale qui donne un corps en santé à l'homme, donc c'est dans l'homme. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'énergie mentale, qui, par le biais de l'astral, vient aussi en contact avec l'homme, donc c'est dans l'homme. Et si c'est dans l'individu, l'homme, c'est dans l'homme. Lorsque tu laisses la personne élargir son point de vue, comme tu dis, ça énergise la relation. À ce moment-là, c'est plus plaisant, donc c'est plus intelligent. Et oui, à la condition, évidemment, que cela ne devienne pas, et c'est important, une guerre d'ego. Présentement, je ne peux pas dire à ceux avec qui vous allez avoir des relations, de faire attention à cette guerre d'ego. On peut en parler entre nous, parce que nous sommes ici. Et nous pouvons essayer d'entrevoir les mécanismes qui permettent à l'ego de s'identifier dans notre parole, de s'identifier dans nos formes, de s'identifier dans nos idées, de s'identifier dans nos pensées. Et chaque fois que notre ego se sent agressé, il se défend, c'est-à-dire qu'il agresse. Alors, si l'autre personne qui n'est pas ici avec laquelle vous allez avoir des relations a de l'ego, et cet ego s'exprime dans le point de vue. Le point de vue, ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que vous observez une montagne du haut d'un mât de bateau et qu'un autre l'observe du haut d'un avion et qu'un autre l'observe les deux pieds sur l'île, sur la montagne, que la montagne est vraie, fausse ou différente. Il y a des points de vue qui sont des colorations selon les psychologies de l'observateur et qui quand même désignent ou qui sont une interprétation d'une même réalité vue sur différents plans. Donc, on ne doit pas s'identifier au plan que nous voyons. Mais si les autres le font, c'est de leur problème, premièrement. Ça va. Vous n'avez pas à régler leur problème. Mais vous avez, vous, par le biais de cette relation vitale, sur tous les plans, à observer de quelle façon votre ego tend à s'exprimer par votre point de vue. Et si votre ego ne se veut pas s'exprimer par le point de vue, c'est que votre ego laisse la place à l'énergie mentale ou laisse la parole à l'ajusteur de pensée, ce qui va vous permettre d'ajuster. Un ajusteur, ça ajuste par définition. Et vous allez être capable de contourner, de ne pas agresser son ego. C'est-à-dire que vous allez connaître, et c'est là un des points clés de la conscientisation individuelle, c'est de comprendre les mécanismes qui manipulent les autres. Pas juste vous autres, les autres. Parce que vous êtes en relation avec les autres, et chaque fois que vous frustrez quelqu'un, chaque fois que vous le manipulez, tout croche involontairement, ça vous revient dessus. Le boss karma. Et si vous êtes capable d'avoir une relation avec quelqu'un, avec un témoin de Jéhovah, qui ont des choses extraordinaires à vous apporter, pas nécessairement dans leur lit, pas nécessairement pas non plus, mais qui ont des choses à vous apporter parce que ce sont des êtres humains, ce sont des potentiels d'évolution, ce sont des livres vivants qui, outre leur morale, outre leur philosophie, outre leur concept, ont une expérience planétaire dans leurs cellules, dans leur énergie vitale, dans leur mémoire, dans leur mental, et ce sont des êtres qui, par l'apport de l'expérience chez vous, par leur contact, vont vous permettre de comprendre des formes de manipulation, et vous allez de plus en plus vous en dégager. Mais il est bien évident que vous devez, pour cela, arriver à communiquer sans les agresser. Lorsque nous disons « c'est de leur faute », c'est vrai que c'est de leur faute s'ils sont malheureux, c'est vrai que c'est de leur faute s'ils se sentent choqués, c'est vrai que c'est leur faute s'ils se sentent agressés, c'est vrai que c'est leur faute s'ils se sentent heureux, c'est vrai que ça les regarde autant que ça vous regarde. Je ne vous attaque jamais. Personnellement, je ne vous attaque jamais. Égoïquement, jamais je ne vous attaque. Mais de temps en temps, certaines personnes se sentent agressées parce que chez eux, il y a quelque chose qui est en dissonance avec l'énergie que j'émets. Et automatiquement, cette chose tend à résister, ce qui amène de la souffrance, minime ou énorme, et elle se sent, la personne, agressée. Donc, c'est de votre faute. J'ai rien à faire, c'est des mots que j'envoie, simplement des mots. Si vous écoutez une cassette et que ça vous agresse, ben, pilez sa cassette, cassez-la. Ça change rien. C'est chez vous. C'est vrai. C'est la même chose pour les autres. C'est chez eux. C'est de leur faute. Mais vivant dans un écosystème, vivant en société, un écosystème, une société. Mais je ne parle pas de la société, je parle d'un écosystème d'évolution qui inclut la nature, qui inclut le vent, qui inclut les arbres, qui inclut tout. Tout le cadre d'évolution, le cadre dans lequel vous expérimentez. Vivant dans ce cadre, même si c'est la faute aux autres, si les autres souffrent. Lorsque l'autre souffre suffisamment qu'il me maudit son poing dans le visage, je souffre. Et là, est-ce que je peux continuer à dire c'est de sa faute? C'est facile à en maudire. C'est aussi de la mienne. Parce que si je connais les principes, les mécanismes de la manipulation chez moi, ils sont les mêmes chez les autres. Et si je vis des relations en me disant « il ne me manipulera pas », puis lui, je m'en fous. Psychologiquement, c'est possible qu'il ne vous manipule pas. C'est pas sûr. Parce que chaque fois que vous dites « oh, ben ça, vous êtes manipulé. » Vous opposez au lieu d'accréditer, mais vous êtes manipulé. Parce que vous ne raisonnez pas, parce que vous ne laissez pas à l'onde mentale la possibilité d'analyser. Vous ne captez pas son énergie vitale mauditement bénéfique pour vous. Vous ne captez pas l'énergie mentale qui peut se dégager. Parce que vous voulez refuser l'énergie astrale, vous refusez tout ce qui ressemble à de l'énergie. Ça, sauf une énergie supramentale, à la condition que vous ayez l'impression qu'elle ne vienne pas d'un homme. Pas question de faire confiance aux autres. Il n'est pas question de confiance. Vous êtes individuel. Vous êtes chez vous. Mais si je sais, moi, ce que Guy va faire, si je lance mon verre d'eau dans le visage, il va me lancer le sien. Je veux pas être mouillé. Je ne lance pas le mien. C'est de l'écologie. C'est connaître les lois du karma et c'est travailler en fonction, pas du péché, du bien et du mal, en fonction des choses intelligentes. Prenez un râteau, mettez-le à terre, puis venez vous en courant, puis mettez le pied sur le râteau, le mange vous retourne sur le visage. Pas parce que le mange vous en veut. Pas parce que l'univers vous en veut. Parce que rien vous en veut. Parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour prévoir ce qui va se passer et l'éviter. C'est ça, travailler dans un écosystème. Donc, la relation avec un autre, je ne l'occulte pas, je ne sors pas tout mon point de vue, j'essaie simplement de travailler en fonction de ne pas agresser l'autre dans la relation. Ce n'est pas de la spiritualité se donne comme mission de ne pas agresser. Et si l'autre se sent agressé, vous vous sentez coupable, c'est la spiritualité. Ce n'est pas parce que ce que la spiritualité veut faire est d'ordre spirituel ou psychologique ou de croyance ou de foi ou de morale ou de concept ou de quoi que ce soit que cette chose ne doit pas être faite. Elle doit être faite lorsque l'on comprend, lorsque l'on voit l'intelligence de la chose. Et même si un autre le fait parce qu'il y croit et que vous le faites parce que vous savez, apparemment, les deux sont spirituels ou les deux sont intelligents. Le fait d'entretenir l'écologie de la relation, l'écologie sociétaire, l'écologie de l'évolution, l'écologie de la conscientisation, ce n'est pas de la spiritualisation, sauf si vous ne comprenez pas pourquoi, si vous croyez qu'il faut le faire. Alors donc, je communique avec quelqu'un et je m'arrange pour ne pas agresser son égo. Je ne suis pas manipulé par ce contexte. Je vis dans un cadre où, si je ne le fais pas, je vais payer pour. Et je vais donc payer pour, je vais donc souffrir. Je vais souffrir pour apprendre à ne plus souffrir, pour apprendre à ne plus payer pour apprendre à travailler en fonction de l'intelligence de la forme, pour apprendre à travailler en fonction de l'humain. Nous comprenons facilement qu'un enfant ne peut pas comprendre et nous essayons de nous assujettir à son niveau en restant libre de notre compréhension. C'est-à-dire que l'enfant va s'imaginer que je suis de son niveau et que je joue son jeu. Et à travers le jeu, j'éduque l'enfant. Donc, lentement, l'enfant a une conscience qui évolue. Il n'aura pas nécessairement ma conscience. Et c'est mauditement important qu'il n'ait pas ma conscience. Parce que la fichue montagne, si tout le monde la regarde à partir de la même place, on n'aura jamais aucune idée de ce qu'elle va avoir l'air, la montagne. Faut donc qu'on laisse les autres évoluer selon leur conscience. Mais on doit être en relation pour étendre notre expérience, et surtout parce que c'est tout ce qui nous permet d'être ce qu'on est présentement nous est donné par les autres. On va pas leur dire merci, comme tout à l'heure je vous disais, mais on entretient ces choses. Et eux entretiennent les nôtres, et c'est ce qu'on appelle une relation, un travail dans un écosystème. Et lorsqu'on n'agresse pas l'ego des autres, lorsqu'on devient diplomate, lorsqu'on connaît suffisamment la manipulation, on ne devient pas un manipulateur manipulé qui manipulons les autres. On est capable de manipuler l'autre, parce que l'autre est programmé. Tu lui dis tu es beau, il est content. Tu lui dis tu es laid, il pleure. Alors donc, on continue à manipuler les autres. Mais d'une façon à garder une harmonie chez eux, chez nous, mais surtout dans la relation. Alors, si lui panique, s'il lui a des problèmes, c'est ses affaires. Vous avez fait que vous avez pu. Vous culpabilisez pas. Vous apprenez, observez, connaissez les formes de manipulation. Sachez pourquoi il a été vexé. Sachez pourquoi il a raccroché le téléphone. Sachez pourquoi il vous a maudit son point de visage. Sachez pourquoi il a été bête. Sachez pourquoi. Puis c'est pas parce que vous avez mal agi. C'est parce que vous connaissez pas les mécanismes qui manipulent les autres, donc qui vous manipulent. Alors, on se culpabilise pas. On est libre de la culpabilisation. On savait que ça nous passe là. Faut être libre. On peut pas évoluer en état pogné. Mais on évolue dans un cadre où nous devons respirer. Alors, respirons. Nous devons respirer de l'air pur. Respirons de l'air pur. Nous sommes dans un cadre où nous devons manger. Mangeons. Nous sommes dans un cadre où il doit y avoir relation. Relationnons. Mais est-ce que c'est nécessaire de manger de la nourriture pourrite? Non. Est-ce que c'est nécessaire de manger vite pour avoir des indigestions? Non. Est-ce que c'est nécessaire de manger tout croche? Non. Est-ce que c'est nécessaire de respirer tout croche? Non. Est-ce que c'est nécessaire de respirer pour exprimer notre émotion, notre psychologie? T'accélères ton rythme respiratoire, tu le ralentis, il est plus court, il est plus lent? Non. Mais c'est nécessaire de respirer. La relation, elle est nécessaire. Mais ce n'est pas nécessaire d'être assujetti aux critères de base de la relation, c'est-à-dire la guerre des égos. L'homme doit arriver à ne plus se battre contre l'ego d'autrui et contre le vôtre. Vous ne vous culpabilisez pas. Alors donc, vous avez fait inadvertance, agressé l'ego d'un autre, ce n'est pas parce que vous êtes quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a certaines lois que vous ne connaissez pas. Et vous allez les connaître à un moment donné. Sachez pourquoi c'est agressé. C'est de sa faute. Parce qu'il est manipulé. Parce qu'il est relié à des mécanismes manipulateurs reliés à la psychologie ou à l'astral. Soit. Mais si vous le savez, soyez intelligent, ôtez-leur un peu de fardeau pour mieux en ôter, puis ayez des bonnes relations avec tout le monde. Le cheval est attaché après une charrue. Montez pas dessus pour essayer de gagner une course. Il est attaché à la charrue. Sachez ce que vous faites. Sachez pourquoi le cheval avance pas. Sachez pourquoi il tombe. Pas pour vous culpabiliser. Pour observer. Détachez-le, montez dessus puis courez avec. La relation, c'est la même chose. On n'occulte pas. On ne transforme pas. On ne défend pas son point de vue. Les seules fois que vous devez défendre votre point de vue, sans trop le défendre. C'est pas en face d'un autre. C'est en face de vous-même. Pas en face d'un autre. Et quand je dis défendre son point de vue, cela veut dire non pas de mettre plein de stocks mémoriels pour pouvoir le grossir et le renforcer. Cela veut dire de l'observer chez vous, dans votre tête, à partir de vos énergies mentales, donc en essayant d'exclure vos émotions. Chaque fois que l'émotion se colle à votre analyse, arrêtez d'analyser, ça vaut plus rien. Mais non, analyser, c'est autre chose. Mais plus la chose que vous analysiez au début, plus le point de vue. Mais le fait de défendre son point de vue, c'est de se défendre. Et chaque fois qu'un pays entre en guerre, c'est pour se défendre. Jamais un pays n'entre en guerre pour attaquer. Il a toujours peur de l'autre. Et il attaque pour se défendre. Chaque attaque est en réalité une défense. Et à un moment donné, si vous vous identifiez à votre point de vue, si vous défendez votre point de vue, vous attaquez. Et l'autre attaque. Et ce n'est pas parce que l'autre attaque, parce que quoi que ce soit, que ce n'est pas bon. C'est simplement parce que vous vous défendez. Vous défendez vos points de vue, donc vous les cristallisez, vous en faites des concepts, et à la longue, votre concept va devenir débordant en importance, et à la longue, vous allez y croire, et à la longue, ça va être la foi. Et c'est une cristallisation de point de vue, c'est une cristallisation. On ne doit pas frustrer l'ego d'un autre, on doit connaître les mécanismes qui le manipulent, qui nous manipulent, pour pouvoir travailler outre ces mécanismes. Donc, on doit arriver à manipuler le manipulateur, à manipuler la manipulation. Et faites-vous-en pas, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas un contrôle supramental, un contrôle mental chez votre ego. Vous ne devez pas contrôler vos émotions. C'est pas une idée de contrôle d'émotion. C'est une idée de contrôle de point de vue. J'ai un point de vue, mais il vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire rien. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de concepts, j'ai besoin de religion à un moment donné, on en a eu besoin. On a eu besoin de... ça me rend pas à un moment donné. On a eu besoin de d'autres personnes que maintenant, on n'a plus besoin. Alors, on a d'autres concepts. Ces concepts sont bons. Nos points de vue sont bons. Ils sont bons, ils sont totalement authentiques pour nous. Mais du moment qu'ils sortent de chez nous, ils sont faux. Alors, on ne les défend pas. On accepte qu'il se transforme parce que le point de vue, merde, si vous évoluez, si vous changez, vous vous déplacez, votre point de vue change. Mais si vous voulez garder le même point de vue de la montagne, en même temps, vous voulez bouger, vous allez vouloir que la montagne tourne avec vous autres. C'est normal qu'on brise des formes, que les formes se brisent. Chez vous, allez pas les faire chez les autres. Essayez de travailler une relation harmonieuse avec les autres. Jaser avec les autres. Découvrez les autres. Touchez, prenez contact avec les autres. Défendez pas vos points de vue. Sauf si on en a discuté, on discute de points de vue. On ne les défend pas, il n'y a pas de guerre d'égo. Il y a un échange. Quand ça devient important pour vous l'échange, au niveau de ce que vous voulez dire pour que l'autre comprenne, commencez à vous checker en maudit parce que c'est plus un échange, c'est une guerre. Puis dans une guerre, il y a toujours deux perdants. Il n'y a jamais de gagnant. La personne demande ici, belle idée que d'avoir créé, j'aime bien lire le mot, ou des liens d'échange, mais pourquoi servir des chips, nourriture non énergétique par excellence? Très probablement salé. Bref, le corps physique et vital n'en tireront pas de bénéfices, bien au contraire. Une belle idée qui demanderait, je crois, un petit ajustement. Bon. Alors, cette personne, elle doit faire extrêmement attention à son ego. Parce que si elle n'est pas prête, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que c'est l'écosystème? L'écosystème, cela ne veut pas dire que nous obligeons. Cela veut dire que ceux qui veulent des chips en prennent, puis que ceux qui en veulent pas en prennent pas. C'est ça que ça veut dire. Et cela veut dire aussi que psychologiquement, il y a des cadres. On a des personnes qui refusent le contact avec les autres. Elles ont peur. Et le fait de trouver des excuses, c'est l'expression de la peur, superbement bien déguisée sous le nom de raison. On a des raisons. On a des peurs. Le fait d'avoir mis des chips, ce n'est pas mon idée. Moi, j'ai parlé de certaines choses. Et le reste ici, c'est l'idée de celui qui travaille ici, de celui qui organise, celui à qui ça appartient. Et c'est une idée géniale. Pourquoi pas? Parce que, comme je répète, on a un cadre à créer. Les personnes qui se conscientisent sont manipulées. Elles ont peur. Elles ont peur de revenir comme avant. Elles ont peur de se faire remanipuler parce que, égoïquement, elles s'identifient à la non-manipulation. Donc, elles ont peur de se faire fourrer. Elles ont peur de se faire avoir. Et si elles ont peur, c'est qu'elles sont orgueilleuses. Et ça, l'orgueil, l'homme en est plein. On ne doit pas se culpabiliser, mais on doit l'observer. Ça va s'en aller. Mais en attendant, l'homme a peur. Et nous devons créer des cadres d'évolution. Vous devez entretenir les cadres qui vous permettent d'être ce que vous êtes. Mais vous devez aussi en créer d'autres. Vos enfants, ils invitent leurs amis chez eux, puis vous leur servez des pommes. Puis leurs amis mangent juste des candacs. Mais ils ne viendront plus chez vous. Puis après ça, vous allez vous plaindre que votre fils est toujours chez les voisins. Puis il se bourre de Klondike. Maudit, c'est pas l'univers. Maudit, c'est vous pas non plus. Mais apprenez donc à comprendre les mécanismes de manipulation. Travaillez en écosystème. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui va se rentrer dans le ventre ou ce qui va se rentrer dans la tête? Pas ce qui va se rentrer dans le ventre. On n'est pas ici. Moi, en tout cas, je ne suis pas ici. Et d'autres non plus. Pour donner un système d'éducation à tous ceux qui viennent ici. Plusieurs personnes fument. Et parmi les fumeurs, certains ont dû trouver aussi que les chips, c'était pas fort. Plusieurs de ceux qui ne fument pas ont déjà fumé. Plusieurs de ceux qui sont corrects ont déjà bu. Plusieurs de ceux qui sont corrects ont déjà fait plein de gaffes. Et parce que d'autres personnes qui n'en faisaient pas ont été capables de se tenir avec eux autres s'en sont sortis. C'est pas question de faire le bien. Question d'écologie. On a déjà demandé ici au centre, pourriez-vous avoir de l'eau pure dans un contenant là qui vient de livrer, puis c'est de l'eau de source? Pourquoi faire? Sérieusement, pourquoi faire? Tant que vous allez continuer, et tant que l'homme, et l'homme le fait, tant que l'humain va continuer à faire un paquet de choses qui n'est pas... Ça ne sert à rien de mettre une nourriture importante dans des assiettes ici. Parce que ce n'est pas vous que nous devons transformer, ce n'est pas vous qui devez vous transformer radicalement, parce que quand vous allez sortir, on va vous donner de la nourriture qui ne sera pas bonne. Ça va faire que celui qui est végétarien, lorsqu'il est invité chez sa mère, ben il n'y va pas parce qu'elle, elle lui sert toujours de la viande. Ça va faire qu'il ne va pas dans les restaurants, ça va faire qu'il paye plus cher pour avoir de la nourriture qu'à faire, rien, pas stuff chimique. Ça va faire qu'il ne peut pas aller à un party de bureau, ça va faire qu'il ne peut plus rien faire. Il doit se sortir de la société qui mange de la viande pour rester dans un cadre végétarien. Ce n'est pas parce que de temps en temps, vous commettez le sacro-saint péché de bouffer de la viande que votre évolution est arrêtée nette. Mais lorsque vous vous privez d'une relation, lorsque vous êtes frustré, lorsque vous vous empêchez quelque chose que la vie appelle, là, vous vous nuisez mauditement plus que si vous mangez de la viande. Elle a raison que les chips, c'est pas énergétique, physiquement, vitalement. Mais c'est mauditement le fun, par exemple, d'en manger pour jaser. On peut le voir, parce que toute fois qu'on l'essaye, ça part tout de suite. Puis le monde qui en mange sont pas plus pires que ceux qui fument, sont pas plus pires que ceux qui fument pas puis qui en mangent pas. On a des perturbations énergétiques. Et si j'observe tout le monde ici, il n'y a pas un seul maudit qui n'en a pas. Mais certains ont un petit défaut. Non pas inhérent à leur évolution, inhérent à ce que c'est. Cette perturbation énergétique s'exprime d'une façon plus claire. Alors nous voyons un fumeur. Nous voyons une personne qui boit du coke. Et parce qu'en apparence, l'autre qui a des perturbations similaires n'a pas de voie d'expression visible, nous disons, ah, elle est chanceuse, elle fume pas. Nous devrions faire comme elle, elle boit pas de coke. Combien de personnes sur la planète connaissez-vous dans votre club sur la planète? Chacun sa conscience. Connaissez-vous qui sont bien, du monde honnête, bon père ou bonne mère de famille, bien correct, qui souffrent d'un cancer, qui ont une thrombose cérébrale, qui ont un accident violent. Pourquoi c'est pas les drogués? Pourquoi c'est pas? Chacun a des perturbations et les exprime à sa façon. On ne doit pas commencer à vouloir éduquer la forme de la perturbation. Alors donc, ce n'est pas en obligeant une nourriture saine que nous transformons la perturbation chez l'être. La personne, l'homme, doit comprendre l'importance d'une chose pour après l'appliquer. Parce qu'il y a déjà transformation de la perturbation lorsqu'elle commence à comprendre, à voir l'intelligence. Tant qu'elle ne le voit pas. Interdire la cigarette ici, qu'est-ce que ça fait? Dans le salon ici, c'était extrêmement intelligent parce que écologiquement, c'est mieux pour ceux qui ne fument pas. Mais l'interdire complètement à l'intérieur des murs du centre, ça serait stupide. Je ne vous dis pas pourquoi, pensez-y. Alors donc, le fait de donner une nourriture qui a un ordre particulier, ça a une raison particulière. Mais si vous observez cette raison à partir de deux critères, le corps physique, le corps vital, c'est vrai. Le corps astral, le corps mental. Peut-être que pour vous autres, c'est vrai, ça se peut. C'est vous. Mais tout l'extérieur au complet, est-ce que c'est vous? Ben, si c'est pas vous, c'est pas à vous de déterminer ce qu'ils ont besoin. Apprenez à les connaître. Apprenez à connaître les manipulateurs. Pour avoir une relation avec. C'est vrai ce qui est dit là, mais c'est faux aussi. Faut voir les choses comme elles sont. Pas comme elles apparaissent après le filtrage de nos concepts. Certaines personnes, à un moment donné, qui suivent d'autres conférenciers, sont un jour, se sont présentés le nez ici. Ils sont rentrés, ils ont entré dans le salon et ils ont dit, C'est juste spirituel, ici! Fouf! Ils sont retournés voir leur maître. Quelle est la différence? Quand une personne ne peut plus rentrer quelque part sans se sauver, c'est quoi la différence? On doit faire attention. On voit un point de vue d'évolution. Il est supramental, tout le reste, on l'adapte au supramental. C'est imbécile! Le corps n'est pas supramental, il est matériel. Lorsqu'on a un point de vue mental, on essaie de tout voir au niveau du point de vue mental. Lorsqu'on a un point de vue astral, psychologique, tout l'univers est psychologique. Lorsqu'on a un point de vue vital ou physique, d'ailleurs on n'en a pas de point de vue vital ou physique, par contre on a des concepts astral, psychologiques, qui disent que le corps physique est important. Il est important. Mais il a des possibilités, le corps physique. Vous pouvez bien fumer une cigarette, tout le monde, ça va rien changer à votre évolution. Si le moment peut se passer des petites choses, ça ne change rien. La question ici, elle a une intelligence . Regardons bien ceci, que la question se pose. Elle se pose. Elle me permet de dire des choses. Mais si, présentement, vous autres, vous vous adressez, cela vous tenterait un petit tintement, non pas une mission. Vous voyez l'intelligence d'ôter vos pissenlits ou d'en planter des pissenlits. Alors, c'est pas question de mission. À un moment donné, vous prenez conscience qu'effectivement, tel genre de nourriture n'est pas bonne. Tel genre de contexte, ce n'est pas bon. Vous n'arrivez pas, comme un bulldozer, dans ceux qui, pour qui ce contexte est bon. En essayant de leur faire voir que le contexte n'est pas bon. Vous autres, vous avez été capables de voir que c'était pas bon, parce que c'était là. Vous en avez fait le tour, et vous dites, c'est pas bon. Démolissez-le. Puis l'autre, il va faire comment pour voir que c'est pas bon? Alors, il va s'évertuer à le reconstruire, puis il va entrer en guerre contre vous autres. Si à un moment donné, on est capable de faire comprendre à toute la société que telle chose n'est pas bonne et que telle chose est bonne. Question comme ça, ça a de l'allure en maudit. Mais si la majorité ne le voit pas, c'est rentré à coups de hache à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et j'ai bien dit que la personne ici doit avoir un ego solide ou pas d'ego, mais elle doit faire attention parce que je m'adresse à elle. Et à d'autres qui n'osent peut-être pas poser des questions. Mais je ne la juge pas, je ne la critique pas. Elle est suffisamment apte, je crois, pour comprendre, du moins, elle l'est suffisamment pour être testée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance? Ceux qui viennent ici, est-ce qu'il y avait une différence? Alors donc, est-ce que les chips, est-ce que c'était parfait? Quel était le résultat? Étais-tu efficace ou non? Il faut observer ça. Dans 2 ans d'ici, dans 6 mois d'ici, c'est possible qu'il y ait bien des changements. Dans vos relations, si vous commencez toujours en haut, vous êtes perdant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez toujours tout perdre. Il faut pas commencer en haut. Il faut commencer au niveau. Pas parce que l'homme est beau qu'on lui donne des chips. C'est parce que, égrégorement parlant, ça crée des relations, ça crée des choses, ça crée des phénomènes. J'en ai mangé des chips. J'ai pas perdu rien au niveau de ce que j'ai à dire. Par contre, ça crée quelque chose qui est salutaire pour toutes vous autres, puis pour le reste à l'extérieur, puis pour la province de Québec, puis pour partout. Ça crée des relations. Lorsque la relation ne nécessite plus pour être créée tel genre de contexte, il est probable, il est possible que nous puissions éliminer le contexte pour en instaurer un autre. Mais on commence pas avec nos idées psychologiques de ce que devrait être l'autre contexte pour l'instaurer de suite, croyant que après ça, on va être correct. C'est absurde! Si vous n'êtes pas capable tout de suite, vous ne serez pas capable même si c'est mieux. C'est pas vrai. Croyez-le, croyez-le pas, mais c'est pas vrai. Vous pensez que vous allez arrêter de fumer lorsque vous allez telle chose. Vous pensez que vous allez mieux dormir après telle chose. Vous pensez que vous allez revenir plus reposé après des vacances. Regardez tout ce que vous pensez que c'est pas vrai. C'est tout de suite, ça se passe. Et lorsque un outil n'est plus utile, on peut penser à le mettre au rencard. Si vous n'avez pas besoin d'un contexte particulier pour entrer en relation, maudit, tant mieux pour vous autres. Mais est-ce que vous entrez en relation plus, par exemple? Si vous êtes en relation, c'est quoi être en relation? Pas même communiquer avec les autres, communiquer avec la vie. Puis la vie, la nature, ça exclut pas l'homme. Il y en a plein qui sont en contact avec la planète, avec la nature, avec la vie. Mais l'homme, ils veulent rien savoir de l'homme. La nature, c'est l'homme. L'homme est dans la nature. Il en fait partie de la nature. On peut pas exclure l'homme de la nature. C'est plus la nature. C'est un maudit beau concept bien perturbé de la nature, mais c'est plus la nature. Si vous êtes capable, sans cadre particulier, d'avoir des relations, merveilleux. Avec qui vous allez en avoir? Seulement avec ceux qui n'ont pas besoin de cadre non plus. Ça vous limite en maudit des relations. Ça fait que vous devenez marginal, pas juste de par le point de vue, de par ce que vous faites. Vous allez finir par être écrasé par les marginaux, parce que vous ne vous occupez pas à travailler dans les marginaux. Pas les convaincre, mais ne lâchez pas vos relations avec les marginaux. Si les médecins voulaient travailler seulement avec ceux qui sont en santé, on aurait des colloques de médecins. Les médecins n'avanceraient pas, les médecins non plus, puis lentement, tous ceux qui amènent de quoi aux médecins mourraient, puis les médecins disparaîtraient avec. L'efficacité, pas la culpabilisation, pas la morale spéculative, pas les concepts. Certaines choses sont vraies. Moi, je ne fume pas. Je ne bois pas. Pas par concept moral. Parce que chez moi, c'est facile de pas fumer. C'est facile de pas boire. Est-ce que je peux me permettre d'aller imposer à ceux pour qui c'est dur d'arrêter de fumer? Au nom de la science médicale qui dit que ça empoisonne. C'est vrai que ça empoisonne. C'est vrai que l'homme serait mauditement mieux s'il fumerait pas. Mais en attendant, si l'homme, il vire un fou braque parce qu'il faut qu'il arrête de fumer. Ben, qui fume donc? De temps en temps, je m'organise pour une place qui n'a pas de boucan. De temps en temps, je mets un ventilateur puis je rencontre ceux qui fument. Il y a des compromis. Mais ça ne me coupe pas de l'humanité. Ça ne me coupe pas de personne. Faites bien attention dans vos relations pour ne pas partir en haut. On veut toujours instaurer l'idée qu'on a de ce qui va marcher. On éduque nos enfants à partir de l'idée. Jamais à partir de ce qu'ils sont. On manque notre coup. On vote des gouvernements à partir de l'idée de ce qu'ils vont faire, mais jamais de ce qu'ils font, jamais de ce qu'ils sont. On fait toujours quasiment tout à partir de l'idée. On veut améliorer, mais on ne veut pas laisser le temps à l'homme et à la matière de pouvoir s'adapter à l'amélioration. Il y a des lois fondamentales dans l'écologie. Une de ces lois dit que vous faites un travail écologique, conséquentiel, vous savez ce que vous faites, et c'est pour améliorer. Si la période d'adaptation de tout ce qui est dans l'écosystème est presque inexistante lorsque vous transformez. Et vous démolissez, vous détruisez, vous périmez. Si la période d'adaptation entre ce qui est et votre transformation s'avère être le moindrement long. J'explique un peu plus. Prenons l'exemple des plantes. Si vous plantez dans une forêt des conifères, des arbres, et que ça pousse, que tout pousse, C'est écologique. Si vous construisez ou vous faites exploser une bombe nucléaire, vous construisez un barrage, vous répandez des pesticides, vous polluez par des cheminées ou vous allez dans un endroit et vous jetez vos détritus et tout ça, et que ça prend un laps de temps plus ou moins long avant que la nature reprenne le dessus, avant que les canards soient pourris, avant que les animaux qui se blessent sur les morceaux de vide puissent guérir, et avant que le morceau de vide devienne suffisamment érodé pour ne plus blesser ou nuiser. Dans la psychologie, c'est quoi? Vous arrivez quelque part, vous faites une transformation, l'adaptation se fait presque instantanément, vous améliorez. S'il y a un laps de temps qui s'étire, c'est pas écologique. Vous forcez l'adaptation. Ils sont obligés de suivre. Vous êtes des tyrans. Ça a été démoli, les tyrans. Ça marche plus. On parle de relations et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit tout le monde autour d'une table et on veut jaser. Tous ceux qui sont pas prêts, qui s'en aillent. Ils ont juste à être prêts. C'est pas écologique. C'est comme de dire, on construit un barrage à Belgium, on veut de l'électricité, et ce qui meurt là, c'est parce que c'est pas prêt. Sans juste être prêt. Ah, l'homme est important, maudit, hein? Il est égaux, hein, puis il est important. Si on est capable de comprendre l'intelligence de quelque chose, de comprendre l'intelligence d'une action, est-ce que c'est intelligent d'entretenir tout ce qui nous permet d'être ce qu'on est? Puis de travailler en fonction de l'élargissement de la conscience collective. Pour pouvoir continuer, nous, librement à le faire. Lorsque les médecins ont commencé à disséquer, lorsque Léonard de Vinci, un des premiers, a commencé à dessiner des planches anatomiques, c'était interdit par la morale religieuse de l'époque de toucher, de faire une autopsie sur une personne, ou d'opérer. Sa conscience s'étant élargie, pour pouvoir le faire, et il fallait que cela se fasse, il a été obligé d'élargir la conscience collective. Et depuis ce temps, on a eu une médecine qui est un peu plus rapide. De temps en temps, on va trop loin. Mais c'est pas grave, comparativement à ce que ça l'a aidé. La relation, elle ne doit jamais se faire par en haut. On n'arrive pas dans un milieu, on détruit tout ce qu'il y a dans le milieu, puis on implante notre écologie en disant « ça va vivre, ça vivra pas ». Ça va vivre un laps de temps, ça vivra pas. Ça va être étouffé. Ça va devoir constamment être en lutte contre l'étouffement. Vous ne pourrez plus progresser, ça va être en lutte. Il faut transformer l'extérieur en prenant contact avec l'extérieur au niveau le plus haut où l'extérieur peut le prendre, si vous êtes supérieur à l'extérieur. L'homme n'est pas supérieur dans sa globalité, il y a des parties de lui qui sont en haut, d'autres en bas. Et vous êtes vachement content lorsque une personne s'adapte à votre partie basse pour vous aider. Faites donc la même chose, c'est écologique, pas que ça fait le bien. C'est intelligent, on s'en sortira pas sans ça. Moi, je vous parle, puis d'autres parlent à d'autres, parce qu'on s'en sortira pas sans ça. C'est pas choix. Ça va se faire, veut pas. Mais on peut, ça doit se faire maintenant. C'est le temps que ça se fasse. Il faut commencer à en parler. On a eu 7 à 8 années au Québec, surtout, où on a diffusé, où on a pitché des cassettes dans le face du monde pour briser des formes. Où on a fait des conférences, brisure de formes. À Dynamite. C'était pour l'astral. La population, elle est prête à vous entendre parler, à jaser avec vous autres. Pas tout le monde, je sais. On va pas se promener. Mais merde, arrêtez de toujours vous penser à part de tout le monde, de vous penser spécial, de vous penser différent, de vous penser malade, de vous penser marginal. Les autres êtres humains, c'est du monde comme vous autres, qui ont peur de parler parce qu'ils se pensent comme vous pensez. Pas tous les points de vue. On n'a pas tous le même point de vue. C'est sûr, c'est pas grave, c'est bon. Mais on commence pas en disant, alors moi, ce que je vais faire, je veux créer un cadre où on pourra évoluer à merveille, se conscientiser. Donc, je crée une plateforme, je m'élimine quelque part dans le bois ou dans la nature, parce que c'est plus énergétique vitalement, et je crée tout ça. Et après, j'invite le monde. Personne va venir. Il y en a quelques-uns qui vont venir te têter ta place. Ils travailleront pas avec toi. Il y en a quelques-uns qui vont venir te têter ton énergie puis ta place. Quand ils vont en avoir assez, ils vont s'en créer le camp, ils vont te laisser là avec tes finances, tes dettes, tes problèmes. Ils viendront pas, le monde. Ils viendront pas. Yet. Ça a été fait au Québec. Ça a été tenté. Ça a été écrasé. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose chez vous qui vous retient encore. Quand je dis un petit quelque chose, il y a peut-être des grosses choses aussi. Et si on fait fi de ces choses, on vous perd. Vous vous perdez. Vous vous déconnectez des autres si vous vous balancez de leurs attaches. Vous devez avoir une compréhension, ça se développe chez l'homme de plus en plus, de ce qui est intelligent, de ce qui doit être fait, et ça doit être intelligent. Et c'est intelligent si c'est conséquentiel, c'est-à-dire que si vous en connaissez les conséquences à long terme. C'est dur pour la pensée humaine, parce qu'elle est reliée à sa mémoire, donc elle connaît les conséquences à très court terme, sinon pas pantoute. Mais qu'est-ce qui doit arriver lorsque vous avez une idée intelligente? Ben, vous savez ce que vous devez faire. Et vous n'allez pas imposer l'idée à tout le monde. Vous la laissez là, la fichue idée, puis vous essayez de voir s'il n'y a pas moyen, lentement, que l'idée, si elle a à devenir réalité, devienne réalité. On va pas imposer quelque chose. Puis c'est important dans les relations, c'est important dans l'écologie, dans l'écosystème sociétaire. Puis c'est là-dedans que vous évoluez. Ce soir, j'embrasse un tableau, un bref tableau qui dure peut-être 2 heures, mais du moins un bref tableau. Les conférences, disons, qui vont suivre, à l'intérieur de celle-là, je vais aborder plus spécialement des choses qui se doivent d'être faites chez vous, dans votre contexte d'évolution, parce que c'est votre cadre d'évolution qui vous bloque. Et le cadre d'évolution, c'est aussi l'astral, c'est donc ce qui vous manipule, mais c'est un cadre d'évolution, un cadre d'évolution, un. Il y en a un maudit paquet d'autres. Et on s'évertue à travailler sur celui-là parce que celui-là a été le plus important pour vous autres. Le plus important cadre de manipulation, de freinage, d'assujettissement, d'esclavage. Ça a été le plus important, mais c'est pas le seul. Et le fait de tout mettre nos énergies pour lutter contre un, c'est s'assujettir aux autres. Puis en gang, les autres, ils sont aussi puissants que l'énergie astrale. On va l'élaborer lentement. On a mis des titres pour les conférences. Pas moi qui les choisis. Quel que soit le titre, on va aborder cette découverte, disons, de l'utilité des outils et cette découverte des outils. Mais ça sert à rien, absolument à rien, si vous n'arrivez pas à comprendre par votre intelligence, vous aussi, puis si vous n'arrivez pas à mettre ça en application quelque part. Ça sert à rien, vachement à rien. C'est de l'intellectuance, pas de la mentalisation, c'est niaiseux, ça sert à rien. Et si c'est niaiseux, vous n'êtes pas niaiseux. Le temps va faire que ça va marcher. Il va devoir falloir qu'on commence par mettre certaines choses en pratique ici, entre les hommes et les femmes qui disent se conscientiser. On forme des petits groupes, on exclut les autres. Vous n'êtes pas capable d'aller voir quelqu'un, vous êtes bloqué, vous êtes limité, vous êtes manipulé. Fait, commencez donc où est-ce que ça commence, la conscientisation, l'évolution, le désassujettissement, l'intelligence dans l'action, mais commencez où c'est que ça commence. Ça va être dur, mais c'est du pratique. Mais il faut commencer au niveau où ce que l'homme se place. Faut que le résultat, si on le voit intelligent, qu'on l'atteigne. On commence pas bing-bang, faut qu'on en arrive là, il y a personne qui va suivre. Ce qui fait qu'on commence, c'est ce qu'on doit commencer pour que ce soit facile. C'est mon petit peu plus facile de discuter d'une manière particulière, dans un cadre particulier, que de forcer une discussion dans un endroit qui plaît pas à personne. Pis c'est pas question d'involution ou d'évolution, c'est question que pourquoi faudrait qu'on se complique la tâche. Pourquoi faudrait qu'on rende tout ça dur au nom de l'évolution, au nom de l'initiation, au nom du végétarisme, au nom d'un paquet de choses? Lorsque toi, ou toi, ou toi, ou toi, vous comprenez que telle chose est intelligente, ben appliquez-le pour vous autres. Mais disconnectez-vous pas de toutes les autres parce que vous venez de voir de quoi? Vous continuez à vivre avec les autres. Puis vous acceptez les autres. Autant que celui qui est en haut de vous autres vous accepte, ou va vous accepter si vous le rencontrez. On travaille en relation. Le gars qui ramasse les vidanges, s'il ne ramasse pas, elle doit péter aux vidanges. Il n'y a pas de haut ou de bas. Il y a du disparate. Il y a du différent. Alors, dans un certain domaine, vous êtes avancé, par exemple, dans la nourriture. Mais dans un autre domaine, si on veut pouvoir vous parler, il faut qu'on aille bas dans l'astral en maudit pour venir vous toucher. Sinon, vous n'êtes pas là. Un autre est très haut dans un autre domaine, mais il est très bas dans un autre domaine. Pour aller en relation, on doit partir pour aller chercher lui. Alors donc, faut que l'on se bâtisse un cadre d'évolution qui va nous permettre d'avoir les mains libres, de pouvoir nous envoler, de pouvoir augmenter notre taux vibratoire, de pouvoir se conscientiser. Pas en collectivité. Seul. Mais seul, ça dépend des autres, parce qu'il faut qu'ils vous laissent tranquille, puis il faut qu'ils vous laissent seul. Fait que si on travaille pas sur le cadre d'évolution ici puis ailleurs, on est toujours poli, on est toujours manipulé, on est toujours en train de dire non à des énergies qui nous assaillent, on est toujours en train de lutter contre la maladie, on est toujours pogné avec l'illusion qu'on n'est plus pogné. Ceux que je connais, qui me connaissent pas, mais que je connais, qui se sont conscientisés, ou qui ont suivi ce chemin, il y en a un maudit paquet qui sont sur le bien-être, qui travaillaient, il y en a un maudit paquet qui sont malades. Il y en a un maudit paquet qui sont malheureux, ça ne les a pas aidés pantoute de se conscientiser, parce qu'ils l'ont fait tout croche. Ça l'a aidé, fallait que certains êtres humains passent par là pour pouvoir donner une expérience à l'astral de la collectivité québécoise, de façon à créer une énergie qui va permettre à d'autres de voir ce travail plus facile chez eux. Ça a une utilité, c'est intelligent. Je répète juste que ce qui doit être fait, ça doit être fait. On ne doit pas le prendre pour l'instaurer de force sa planète. Adolf Hitler, il était de maudite bonne attitude. Il était sincère. Il voulait donner à l'humanité une race d'élite. Tuer toutes les autres et les autres se réincarneraient dans sa race d'élite. Il n'a jamais été à l'encontre de l'évolution de l'humanité. Il a été manipulé par le prieuré de Sion. Il a été manipulé par les forces d'évolution de Lagartha. Mais il n'a jamais, sincèrement, il voulait aider. Il voulait que la race aryenne s'étende, c'est la race d'élite. Première race de la race blanche. Ce n'était pas la race d'élite, mais lui croyait que oui. Et il avait une bonne attitude. Il a tout fait, il a travaillé en fonction d'aider l'humanité. Il a vu quelque chose, cette vision a été prise par l'astral, et il a été assujetti à des manipulateurs astrales, et il a été manipulé de façon à vouloir faire en sorte que ce qu'il a vu soit immédiatement. Et il a cru que lui pouvait le faire. Mais c'est un bon gars. S'il est mal pris, quand est-ce que l'homme se prend mal tout le temps? Quand est-ce que l'homme se prend bien rarement? Tout le monde, de prime abord, est correct, a une bonne attitude. Il y a quelque chose d'intelligent, on ne descend pas sa planète. On commence par voir si ça va devenir intelligent pour tout le monde. Mais on prend les moyens qu'il faut. Sinon, on s'expulse de la collectivité qui va nous manger à un moment donné. Faites bien attention à ça. Il y a des choses qui s'en viennent au Québec. Il y a des choses qui s'en viennent très rapidement. Parce qu'il y a des choses qui sont maintenant finies. C'est fini. Oh, ça va continuer par coloration. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Mais pour que ces choses se fassent, l'homme doit comprendre l'importance parce que l'intelligence de la relation. Et si c'est pas vous autres qui commencez, d'autres vont le faire, parce que c'est commencé, il y en a d'autres qui vont le faire. Vous allez devoir suivre à un moment donné. On va aller vous parler. Attendez pas que l'humanité soit sortie du marasme pour vous dire, bon, ben maintenant, c'est à mon tour. Ça va être long en maudit. Ça va se faire comme ça va se faire. Puis vous allez être dans des souffrances terribles, pour rien. Faut pas compliquer l'évolution, elle est facile, l'évolution. Travaillez entre vous autres. Pas rien qu'entre vous autres ici, mais entre vous autres ici avec. Faut commencer quelque part, mais entre vous autres à l'extérieur. Pas juste dans l'ésotérisme. dans le travail, dans n'importe quoi. Ayez des relations, c'est important. Mais commencez pas par le haut, commencez par le bas. Dans la relation. Puis restez vous autres. Sinon, si vous commencez par le haut, vous vous manipulez vous-même et vous cristallisez vos idéologies que vous voulez appliquer. Alors donc, le fait de dire, par exemple, pourquoi ne pas mettre une nourriture plus énergisante? Pourquoi ne pas mettre telle chose? Pourquoi créer un cadre de réunion de salon? On aurait pu créer un cadre de métro, un cadre d'ashram spirituel, un cadre de plusieurs choses. Ça aurait été un cadre. On aurait été dans un cadre. Créer ou ne rien créer, on aurait été dans un cadre. Pourquoi pas en faire un de bord qui nous plaît, qui plaît à la majorité du monde, puis qui laisse la personne la possibilité de pouvoir embarquer ou pas embarquer dans le cadre, mais au moins il faut qu'elle rentre dans la relation, parce qu'elle se perd, elle perd des beaux et de bonnes choses. Puis si elle trosse pas les autres, dans la relation, pas dans ce qu'ils disent, elle va se trouver un maître, ça sera pas long. Parce qu'il va falloir qu'elle ait une relation avec quelqu'un. Elle pourra jamais vivre sans relation dans l'évolution. Si vous n'avez pas des relations entre le reste de l'humanité, vous allez vous